Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a critiqué le 3 dans son éditorial les autorités sud-coréennes qui s'acharnent à disposer le SAD aux ordres des États-Unis malgré l'opposition des Sud-Coréens.